bienvenue à votre podcast du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Lobster 151.0. Eh oui, on est rendu là, 151.0. On est au mois d'août 2024. Bel été. J'ai beaucoup de vacances. Et qu'est-ce que je fais durant mes vacances? Je fais plein de choses intéressantes à mon goût. Et pourquoi on entend d'abord cette chanson de Star Wars? On entend la chanson Star Wars de l'album Star Wars Funk, je crois. C'est ça, Star Wars Galactic Funk. C'est un disque que j'ai... en fait, pour commencer l'histoire du début, cette semaine, j'étais allé chez Renaissance. Puis en rentrant dans la boutique, qu'est-ce que je vois? Bon, je vois une vieille guitare Samick à 25$. Donc, j'appelle mon frère, je lui demande s'il y avait. Il dit non, là, il y en avait assez. Mais il dit, même si c'est une bonne guitare, on ne l'achète pas celle-là, même si c'est juste 25$. Puis là, bon, je vais voir les bandes dessinées, rien d'intéressant. Puis je me dirige dans les disques vinyles parce que durant les vacances, je me suis fait un coin dans mon garage. J'ai comme fait le ménage dans mon coin où je fais de la poterie. Puis j'étais allé au Costco, puis je me suis acheté une belle petite table pliante là, qui n'est pas trop grosse, juste la bonne grosseur que j'ai mis au garage. Puis avec un néon que je peux allumer là, pour m'éclairer, que j'ai accroché juste à côté de moi. Donc, même si c'est tard le soir, je peux travailler dans le garage avec la porte de garage ouverte en regardant, disons, les étoiles dehors, puis je fais de la poterie là avec de la lumière. Puis c'est ça, j'ai réinstallé dans un coin mon vieux radio qui peut lire les cassettes 8 pistes et qui peut lire les disques aussi. Donc, en ce moment, tout était dans mon cabanon. Là, ça fait un hiver que c'est là parce que je l'avais tout serré là. Mais là, je vais me chercher des disques au cabanon. Puis là, je les écoute là, à tour de rôle. Puis donc, quand je vais chez Renaissance, j'ai recommencé à regarder dans les boîtes de disques qu'ils vendent qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Puis cette semaine, j'ai trouvé, ça s'appelle, comme je vous disais, Star Wars Galactic Funk. C'est un disque de 1977 qui reprend des chansons de Star Wars, mais dans un style un peu fun. Ce que je lis sur Internet, c'est qu'il y a certaines de ces chansons-là qui ont été numéro 1. La chanson de la cantine de Star Wars a été numéro 1 au Billboard pendant 2 semaines quand même. Donc, cet album-là a été un succès. L'album, en tant qu'album, lui, il a atteint, je lis, là, la 13e place de Billboard 200 aux États-Unis, 19e en Australie, puis 34e en Nouvelle-Zélande. Donc, l'album a été un gros succès, puis vu que c'est lié à Star Wars, puis que cette semaine, je faisais des pinros de Darth Vader, donc je trouvais ça drôle d'acheter l'album puis d'écouter ça en même temps. Oui, je fais des Darth Vader. Darth Vader, c'est le pinros. Ben, pinros, c'est les sculptures que je fais, là, que je cache dans les pas. C'est ma chasse au trésor. Puis il y a un seul perro que je n'étais pas capable de faire, c'est celui de Star Wars c'est celui de Darth Vader avec son casque. À chaque fois que je le faisais, je terminais par écraser la figurine parce que je me disais c'est beaucoup trop laid. Mais là, durant les vacances, je me suis assis une journée puis j'ai dit ben là, j'en fais plusieurs. Puis j'essaie de m'améliorer entre chacun. Fait que j'en ai fait 4 une journée. Puis le plus beau, c'est le premier. Puis le dernier, les deux, entre les deux, j'essayais des choses. J'essayais de le faire beau. Mais il est un petit peu plus joufflu des joues, le Darth Vader. Il est un petit peu moins beau. Mais bon, c'est pour ça que j'en fais toujours plusieurs. J'en fais, des fois, je peux faire jusqu'à 10 fois la même figurine. Là. Comme les monstres verts qui sont dans un des films, je les ai faits chacun jusqu'à 10 fois. Puis j'ai gardé les 2-3 que je trouvais les plus beaux pour ma collection. Puis les autres, je les ai mis à tirer dans mes chasses au trésor. Donc, tout ça pour dire que, bon, c'est ça. J'ai écouté cette semaine ce disque-là de Star Wars Galactic Funk. Et c'est pour ça que ça joue en entrée de jeu du Lobster. Sinon, quoi de neuf? Quoi de neuf durant mes vacances? Eh bien, dernièrement, je me suis inscrit. Je ne sais pas si vous connaissez le site Conqueror. C'est un site sur lequel tu peux t'inscrire et acheter des médailles que tu fais. Donc, je vous explique comment ça marche. Moi, je me suis inscrit, par exemple, j'ai choisi la médaille qui est en lien avec le Seigneur des Anneaux. Ça m'a coûté 50$ US, c'est quand même assez cher. Et j'ai 233 km à faire avant de recevoir ma médaille. Bon, je sais pas comment les gens ils font ça. Là. Je pense que ça peut être lié avec la Apple Watch. Ça rentre ton temps automatiquement dans l'application. Mais moi, bon, j'ai pas ces technologies-là. Tout ce que j'ai, c'est que j'ai l'application Conqueror sur mon téléphone iPhone. Puis je calcule rien. Je vais marcher. Puis quand je reviens, je regarde dans Google Maps, je fais mesurer de distance, puis je regarde combien j'ai marché. Là, je refais mon trajet, puis ça me dit, bon, t'as marché 4 km. Donc, je rentre dans l'application 4 km. Puis quand j'aurai fait 233 km, le site de Conqueror, ils vont voir dans l'application que j'ai terminé et ils vont m'envoyer ma médaille. Quand je me suis inscrit, ils me disaient dans combien de temps je veux le faire. Ils disaient, tu veux faire environ combien de kilomètres par jour? Bon, ça, j'avais pas trop réfléchi. Je pense que j'ai mis 4-5 km par jour. Fait que là, ça a donné que moi, le défi, il faut que je le fasse en 56 jours environ. Ou 46, je me souviens plus exactement. Là, c'est pas important. Là, en ce moment, j'ai fait 20% du défi. Puis quand tu avances dans l'application, il t'envoie des cartes postales. Comme pour te motiver, tu es rendu à telle place. Puis... aussi, eux, ils retirent des bouteilles. À chaque fois que tu as fait 20%, chaque 20%, donc 5 fois 20% qu'on peut faire, ils disent qu'ils retirent 10 bouteilles de plastique de la circulation. Donc, ils parrainent une association, là, d'après ce que j'ai vu, qui est aux Philippines. Puis, bon, ils retirent des bouteilles de l'environnement. Bon, c'est mieux que rien. Tu peux choisir aussi d'autres choses. Il y avait ça, puis... je me rappelle plus. Donc, c'est tout écrit sur le site de Conqueror. Donc, en ce moment, c'est ça. Ça me motive à marcher chaque jour. Depuis que je suis inscrit à ce chose-là, j'ai marché en moyenne 4,7 km chaque jour. Ça fait 12 jours que je suis inscrit. Là, j'ai dépassé mon premier 20% pour mon défi. Puis là, devinez, rendu à 20%, j'ai reçu une carte postale du site qui me disait que moi, c'est la médaille de Shire qui est liée au Seigneur des Anneaux. Donc, ma carte postale est en lien avec ça. Donc, il me disait que j'avais parcouru, que j'étais rendu à tel endroit dans le film. Donc, je vous fais écouter un bout du film pour vous montrer où ce que je suis rendu. C'est Sam qui parle dans le film, qui dit quelque chose en lien avec ça. Donc, on l'écoute. Ça y est. Ça y est quoi? Encore un pas de plus et ce sera l'endroit le plus éloigné de chez moi, où j'ai jamais été. Allez, viens, Sam. Tu te rappelles ce que Bilbon disait? Il est fort dangereux. Frodon. Sortir de chez soi. On prend la route et si l'on ne regarde pas où l'on met les pieds, on ne sait pas jusqu'où cela peut nous mener. Bon, on ne sait pas où ça peut nous mener, mais oui, il y a des fois que j'ai mal aux pieds, moi, de mon côté. Quand je marche, les journées où j'ai marché le plus, je pense, c'est 6,5 km, puis quand je reviens à la maison, là, j'ai mal aux pieds, même si j'ai des bons souliers. Là. Oh, j'ai mal aux pieds. Bon, donc c'est ça pour Conqueror. Si ça vous intéresse, c'est un peu pour vous motiver, dans le fond, à faire de l'exercice. Moi, avec moi, ça marche pour l'instant, puis j'ai bien hâte de recevoir ma médaille quand je vais avoir terminé. C'est une belle médaille qui est toute chromée, comme émaillée. Elle a l'air très belle. La première médaille, elle a l'anneau de Sauron, puis j'ai vu mon ami Sandra et Martin, eux, ils en font là, en famille. De ces médailles-là, là, c'est eux qui m'ont donné l'idée. Et j'ai vu que l'anneau qu'on reçoit, qui vient avec la première médaille, il sert pour la dernière médaille quand on va le jeter dans le volcan là, au Mordor. C'est comme une médaille, là, tu mets l'anneau dedans, puis tu descends, puis l'anneau a l'air à descendre dans le volcan. Puis tu peux t'inscrire pour que ça soit moins cher. Tu peux acheter d'un coup toutes les médailles d'un set, par exemple. C'est sûr qu'il y a des médailles uniques, genre Paris, qui est tant de kilomètres, ou faire tel trail, qui est tant de kilomètres. Mais là, moi, je fais celles qui sont sous des thèmes. Donc, celle pour le Seigneur des Anneaux, il faut commencer par la première. On pourrait pas faire la dernière en premier. Il faut absolument les faire une à la suite de l'autre pour avoir le droit de faire la dernière, qui est d'acheter l'anneau dans le volcan. Puis tu peux les acheter d'un coup. Je pense que c'est 199$ US pour les 5. Ça revient un petit peu moins cher, mais moi, ça me tentait pas de payer 200$ US d'un coup. Là, je me suis dit, gars, je vais en faire une, voir si j'aime ça. Puis si j'aime ça, puis ça me motive, ben je continuerai, mais une par une. Bon, bref, c'est ça. C'est ça pour Conqueror. Sinon, cette semaine, on parle de quoi dans le Lobster? Cette semaine, c'est une semaine qui est consacrée au chalet de Jésus. Je ne sais pas d'où sort l'idée, d'où m'est venue cette idée, mais je me suis imaginé, par exemple, si le chalet de Jésus existe. Ça se peut qu'il existe. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais si le chalet de Jésus existe, ben, qu'est-ce qu'on y fait? Il est où ce chalet-là? Qu'est-ce qu'on y fait? C'est quoi les activités? Donc, c'est ça le sujet cette semaine. Donc, cette semaine, on est toujours en mode un peu vacances. Donc, cette semaine, on s'amuse. Puis, on décolle en musique avec la chanson Libertine de Kate Ryan. Et au retour, on parle du chalet de Jésus. Bon Lobster 151.0. Thank you. avant de vous parler du chalet de Jésus, un petit détour de quelques interludes. J'avais mis des petites choses de côté que je voulais vous parler. Puis si je vous en parle pas là, ben ça sera trop tard. Je vais peut-être être rendu en enfer après avoir parlé du chalet de Jésus. Donc j'en parle tout de suite au cas où. Ma première petite nouvelle que j'avais mis de côté, c'est saviez-vous que notre organisme subirait deux vagues de vieillissement majeur? À 44 et à 60 ans, notre processus de vieillissement ne serait donc pas graduel ni linéaire. Bon, si je dis ça entre mes mots, c'est qu'à 44 et à 60 ans, ben, on vieillirait d'un coup. Puis l'article, il dit quoi là-dessus? Il dit « Le vieillissement est un processus complexe. » Bon, oui, ça, on le sait. Il est fortement associé à diverses maladies telles que diabète, cancer, maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. Cependant, des études ont montré que l'apparition des maladies liées au vieillissement n'augmente pas proportionnellement à l'âge, c'est-à-dire de manière progressive et linéaire. Donc, ça apparaît d'un coup. Ils disent que aux États-Unis, la prévalence des maladies cardiovasculaires est par exemple de 40% entre 40 ans et 59 ans et augmente à 75% entre 60 ans et 79 ans, puis atteint 86 ans à plus de 80 ans. Donc, les études que les chercheurs ont faites, ils montrent qu'à certains âges, subitement, il y a certaines maladies qui apparaîtraient. Bon, je dois vous dire que j'ai lu trois articles en lien avec ça, puis dans un autre que je ne lirai pas, ben, il parlait aussi de 78 ans pour une autre vague là, de vieillissement. Donc, on vieillirait d'un coup à 44, 60 ans et 78 ans. Mais là, je me suis demandé, il se passe quoi? Là? J'ai lu les articles, puis je suis pas sûr si je comprends bien. C'est quand même compliqué, puis c'est pas mon domaine d'étude, évidemment. Je vais donc vous lire un petit bout de l'étude si ça ne vous dérange pas. Ça dit ceci. Ça dit « L'équipe de Stanford a collecté des données transcriptomiques, protéomiques et métabolomiques de 108 personnes âgées de 25 à 75 ans. Leur microbiome intestinal, cutané, oral, nasal, ainsi que leur kictokine et leur niveau de lipides ont également été analysés. Les données ont été collectées tous les quelques mois sur une période de plusieurs années, donc ça a l'air assez sérieux. Au total, les chercheurs ont analysé les niveaux de plus de 135 000 molécules et microbes différents, incluant 250 milliards de points de données distincts. Et paf! Bon, paf, paf quoi? Les chercheurs ont constaté, c'est ça le résultat de l'étude, qu'environ 81% des molécules et des microbiomes analysés présentaient des fluctuations non linéaires, indiquant ainsi que leur niveau change davantage à certains âges qu'à d'autres. Les changements les plus importants se produisaient au milieu de la quarantaine et au début de la soixantaine. Donc, si vous avez bien compris les mots compliqués comme « métabolomique », bon, sérieux, je comprenais pas c'était quoi métabolomique. Puis j'ai demandé quand même à ChatGPT de me l'expliquer, puis à la fin, je comprenais pas plus. Bon, finalement, j'étais allé dans YouTube pour trouver un article là-dessus là, qui en parlait, puis j'ai rien trouvé d'assez simple pour comprendre le concept. Puis à la fin, j'ai finalement cliqué sur de quoi que je comprenais plus facilement. Toi, tu vois ce qui se cache dans la boîte? Peux-tu m'aider à deviner ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non. Est-ce que c'est un jouet? Non. Bon. Attends. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la cuisine? Non. Est-ce qu'on en a besoin dans la salle de bain? Non. Et qu'est-ce qui reste comme pièce dans la maison? Oh! Oh oui! Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise dans la chambre? Oui? Quelque chose qu'on a dans une chambre. Est-ce que c'est un lit? Non! Mais, oh! Un lit, voyons, c'est bien trop grand pour entrer dans la boîte à devinettes. Bon, dans ma chambre, il y a aussi un ourson. Est-ce que c'est ça? Non. J'ai aussi une couverture. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ma chambre? Ah oui! Est-ce que c'est un livre? Non. Bon, est-ce que c'est une veilleuse pour voir la nuit? Non plus. Mais j'ai dit tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Est-ce que c'est quelque chose qui est sur mon lit? Oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on pose la tête? Oui. Alors, je sais. Je sais. C'est pas du métabolomique. Non, c'était un oreiller qu'elle cherchait passe-partout. J'espère que vous avez trouvé. Bon, revenons à l'étude, à la conclusion. En fait, ils disent, en prochaine étape, l'équipe prévoit d'explorer les facteurs qui pourraient être à l'origine de ces changements non linéaires. En attendant, ces résultats soulignent la nécessité d'un mode de vie sain, en particulier vers 40 et 60 ans. Il termine en citant un chercheur et dit « Je crois fermement que nous devrions essayer d'adapter notre mode de vie pendant que nous sommes encore en bonne santé. » Voilà, c'est ça la conclusion. Un bon mode de vie entre 40 et 60 ans serait bénéfique. Mais est-ce qu'on avait vraiment besoin d'une étude pour conclure ça? Bon, sans trop chercher, je pourrais aussi vous dire qu'un mode de vie sain entre 0 et 40 ans, c'est très bénéfique, puis entre 60 et 120 aussi. Un bon mode de vie, c'est toujours mieux, peu importe l'âge, me semble, en tout cas. Bon, en passant, c'était la fête de ma grand-mère en août, et oui, j'ai encore une grand-maman, même si j'ai 50 ans, ma grand-mère a eu 101 ans. C'est quand même incroyable, c'est magistral. J'ai regardé, dans le monde, il y aurait 573 000 centenaires dans le monde. Il y en a 14 000 au Canada, puis il y a seulement 3 000 centenaires au Québec. C'est quand même pas beaucoup. Moi, si je me rends là, on va sûrement être rendu à enregistrer le Lobster 2672. Ça va être la saison 76. Bon, parlant de saison, selon mon site, du Lobster là, sur Facebook, on sera encore saison 3, mais je ne sais pas trop sur quoi je me base pour dire ça. Le podcast il a débuté en 2018, mais saison dure environ 2 ans, ou un certain nombre d'épisodes, je ne sais pas. Si quelqu'un sait, dites-le moi, là, si on a vraiment un amateur du Lobster qui est au courant de ça. Mais sinon, je pense qu'on est dû pour un changement, donc c'est décidé! Yeah, baby! Aujourd'hui, on est rendu saison 4! Oui! Donc, bienvenue dans le Lobster 151.0 qui nous permet d'amorcer cette saison 4 avec assurance et détermination quand même. Je vais ouvrir Photoshop tantôt là, et mettre saison 4 sur mon image de bannière et c'est réglé pour la saison 4. Bon, maintenant... L'autre article que j'avais mis de côté, c'est sur l'espace. Il se posait la question si les pluies de météores, c'est un danger pour les gens dans la station spatiale. Donc, comme vous le savez, en août, on vient d'avoir les Perséides. Cette année, les deux plus grosses soirées, c'était le 11 et le 12 pour voir des étoiles filantes. Moi, j'ai regardé 5 minutes chacun des soirs, mais bon, il y a un soir, c'était nuageux, puis l'autre, je voyais rien. C'est trop clair dans la région de Montréal. Ça réduit beaucoup la visibilité, donc il faut regarder longtemps pour en voir. Bref, j'ai lâché ça. Et l'article que je lisais, lui, disait en lien avec ça que les astronautes, eux, ils risquent rien dans la station spatiale. Même quand il y a des pluies de météores. Car, bon, les astronautes, ils sont protégés des météorites, car l'ISS est équipé d'un pare-choc Whipple. Bon, je connaissais pas ça. C'est nommé d'après son inventeur, Fred Whipple, qui a inventé le modèle de la boule de neige sale, qui décrit en fait la composition des comètes. Ce bouclier, lui, est constitué de feuilles de métal entre lesquelles il a mis du Kevlar. Le bouclier ne dévie pas les météorites, mais il les brise, dispersant ainsi leur énergie dans le bouclier. Voilà. Donc, le seul moment où les astronautes sont en danger, c'est quand ils font des sorties dans l'espace. Car là, quand ils sont dans leur combinaison spatiale, elle n'a pas de bouclier. Donc, s'il y a une météore qui passe, qui fait un trou dans leur combinaison, ben là, c'est la catastrophe. Sinon, l'article disait aussi, quand les astronautes sortent puis qu'ils regardent les boucliers de la station, ils peuvent voir qu'il y a plein de petits trous qui ont été faits, là. Il y a plusieurs impacts, puis la moitié de ces impacts-là, après analyse, ce serait pas des météores, mais ça serait nos propres déchets, comme nos satellites qu'on ramasse pas, puis qui finissent par se frapper là, entre eux, puis qui forment des petits morceaux qui flottent dans l'espace puis qui tournent à une vitesse hallucinante. Bon, et sinon, si je résume la fin de l'article, ils disent que même pour les astronautes, quand ils sont en sortie dehors, il n'y a pas trop de danger malgré ce qu'on pourrait croire, car la NASA, ben, ils analysent l'espace autour, là, ils font des prévisions, puis la seule chose qui resterait encore dangereuse, ben, ça serait la voiture d'Elon Musk qui a lancé dans l'espace. Il paraît que si elle frappe un astronaute, ben, il ne serait pas assuré par la SAC. Donc, il faut faire attention à cette voiture qui flotte dans l'espace. Maintenant, une avant-dernière nouvelle très brève. Il paraît que La Guerre des Étoiles, le film, là, a été traduit en langue Ojibwe. Voici ce que ça donne au niveau bande-annonce si vous êtes des Ojibweneux. Donc, on écoute la bande-annonce de Anagong Midgwading en Nanishinabwewing. Donc, c'est la Anaborn quelque chose, là, c'est la guerre des étoiles en langue autochtone. On écoute la bande-annonce. One of the first major projects like this. To bring the language back out into the world. Breaking down the words, the differences between English and Ojibwe. So you have to come up with some new words like lightsaber. You can't do anyway, my mom always win. The characters, they're kind of parallel to Anishinaabe people and beliefs. My grandchildren will be able to hear this into the future and learn from it, use it. It's just great to be a part of it. Bon, c'est ça. Et le reste de l'article dit que les Autochtones, ben, ils sont bien contents. Ils ont dû ajouter pour l'occasion des mots qui n'existaient pas dans la langue, dans leur langue, comme sabre laser. Donc, c'est bien quand même, ça fait évoluer leur langue, j'imagine. Puis j'ai fait mes recherches, déjà là, qu'on rit souvent des nains dans le lobster, on va essayer d'être respectueux là, avec les Indiens. Donc, ceux qui parlent l'Anishinaabemowin, une langue autochtone... Oh, mon Dieu! C'est un peu irrespectueux. Ok, on recommence. Donc, ceux qui parlent l'Anishinaabe, une langue autochtone du groupe algonquin, ils se nomment généralement les Anishinaabe. Le terme Anishinaabe signifie peuple originel ou vrai peuple et désigne les peuples qui appartiennent à cette culture, notamment les Ojibwe, les Odawa et les Algonquins. Donc voilà, c'est clair maintenant et c'est respectueux. Non, sérieux, là, j'ai été prendre une pause, là, ça gargouillait dans mon ventre, là, parce que je soupe en même temps que j'enregistre le lobster, puis là, j'avais comme 2-3 oranges à jus à côté de moi que j'ai avalé un peu trop vite. Bref, désolé à nos amis indiens, je tiens quand même là, à m'excuser là, en algonquin. Gawin Nilwendanzin signifie « je suis désolé » ou « je n'ai pas voulu ». Sinon, une autre nouvelle rapide. Bon, c'est le temps des litchis en ce moment. Si vous allez chez TNT Market, comme j'ai fait la semaine passée, c'est 3$ la livre en ce moment. Moi, j'ai acheté pour 30$ de litchis, puis je me suis bourré la face. Bon, j'en avais 4 gros sacs. En fait, c'est tellement bon des litchis frais. Il y a même un de mes gars qui, lui, adore ça aussi. Il est passé à la maison là, pour se chercher un sac aussi, pour se bourrer la face lui aussi. Puis là, juste d'en parler, j'ai encore le goût d'en manger, mais il m'en reste plus. Je pense que je vais retourner m'en chercher encore ce week-end. Je viens de vérifier 3,97 la livre cette semaine chez TNT Market pour des bons litchis achetés localement. Bon, c'est important, on dit pas assez souvent, c'est important d'acheter local, même si c'est cueilli à plus de 10 000 km de chez nous. Parce que oui, là, les litchis viennent d'assez loin, ils viennent de la Chine. Bon, parlant de litchis, bon, suite à mon bourrage de face, je faisais des recherches sur les litchis pour savoir justement ça venait d'où, puis savoir les valeurs nutritives de tout ça, les bienfaits. Puis je suis tombé sur un article qui disait que 150 enfants en Inde étaient morts, puis probablement à cause d'une toxine présente dans les graines de litchi qui, chez des enfants malnutris, altérerait la production de glucose de l'organisme et provoquerait des hypoglycémies. Donc, si tu as un gros bedon parce que tu ne manges pas assez et que tu te bourres la face de graines de litchi, eh bien, tu peux en mourir. Moi, j'ai un gros bedon car je mange trop de litchi, donc c'est différent. Je pense pas que je risque quelque chose, là. Puis, je mange pas la graine non plus, là. La graine, c'est le gros noyau brun dans le milieu des litchis. Moi, je mange. Faut manger ce qu'il y a autour, là, qui est blanc et qui est délicieux. Bon, je comprends qu'ils ont faim en Inde, là, les enfants, là, mais quand même, manger le noyau dur, là, vous méritez, je pense, juste de mourir là, rendu là. Une autre nouvelle brève, un article qui disait qui a connu le plus de succès à Paris aux Jeux Olympiques. C'est un article sur le site de Radio-Canada. Ça disait les États-Unis, est-ce que c'est eux en premier avec 126 médailles ou le Québec avec seulement 4 médailles? Bien, l'article disait au prorata de notre population, c'est le Québec qui l'emporte. Là, il faisait jouer les chiffres, il disait on est tant de personnes pour 4 médailles, puis aux États-Unis, nanana. Mais je me suis quand même dit en lisant ça qu'on pouvait bien faire dire ce qu'on voulait aux chiffres, là. C'est comme les sondages politiques, là. Me semble quand même qu'avec 126 médailles, les États-Unis sont quand même meilleurs que nous, le Québec, avec seulement 4, là. Peu importe ce que les chiffres en disent, là. Ils sont quand même premiers au classement. Bref, je me suis dit, c'est ça, on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. Et voilà, rien de plus à dire là-dessus, ce qui met un terme à ce que j'avais mis de côté pour jaser avec vous dans ce Lobster 151.0, avant notre sujet principal. Donc, il me reste juste une chose, c'est une chanson de 1968 que j'avais mis de côté. On l'écoute et après, promis, on vous parle, je vous parle de mon pote Jésus. Alléluia! Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you. Oh, oh, on a un appel dans Lobster quand j'enregistre puis que quelqu'un appelle à la maison. Eh bien, on prend l'appel, on les écoute. Salut! Salut, t'as fait de marcher? Oui, j'ai marché jusqu'au métro, puis je suis revenu. Ça, c'est 5 km sur mon heure de dîner. Puis tantôt, puis je suis allé en bicycle me rechercher des oranges tantôt, là, après le souper. Ah, c'est bon, ça? Ben oui. Ah, on va finir par avoir le soleil après-midi. Oui, vous avez eu du beau temps. Nous autres aussi, là, il mouille plus. Ouais, ben c'était le temps. Il fait 2 jours et demi qu'il mouille, lundi jusqu'à ça. Il a mouillé lundi, mardi, mercredi, ou rendu à jeudi, de fait. Ça fait 3 jours et demi qu'il mouille. Ouais, c'est ça. Quand je suis allé pour mon changement d'huile, j'ai vu que les puiseurs, je voyais de l'eau dedans. C'est rare que tu vois que... Puis l'eau était haute dedans, là, dans le bas de la ville. Ouais. Ah, ça fournissait injuste. Hein? Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, t'as vu, on va signer demain. Oui. Ouais. Alexandre, a été visité ça aussi, il était à Québec. Oui, pour voir les véhicules, ouais. Il dit qu'il y en a un gris comme on veut, là. Un Rogue, ouais, gris. Ouais. Alexandre, il a été faire un essai routier aussi, lui. Bon, il est allé magasiner ça pour vous autres. Mais il a pas décidé rien, hein. Ah, ok, il aimerait ça changer la sienne aussi. Ouais, ben, t'as un bout de temps, comme il dit, il aimerait la garder, mais il y a d'autres bouts de temps, mais qu'il aimerait. Ouais, parce que là, il dit, il faut 4 pneus d'hiver. Ouais, c'est ça, ça finit par coûter cher, là, quand c'est un peu vieux, hein. Ouais, pis c'est d'espace, comme il dit. Ouais. Ben, ils sont chargés, là, ils ont pas de place, hein. Dans sa mini, ouais, ils sont. Mais malgré qu'ils ont une autre belle voiture, là. Ouais, c'est ça. Mais comme il disait, je pense à un moment que l'autre voiture est au kilométrage aussi. C'est pour ça qu'il voyage assez souvent avec la Mini. Ah, OK. Pour ménager le kilométrage. Parce que nous autres, au lieu de prendre 16, là, on a décidé on va prendre 20 000 km. Ah, OK. Comme ça, tu payes d'avance, mais c'est moins cher du kilomètre. Ouais, ouais, c'est parce que ça coûte quand même 8 piastres. C'est même pas 10 piastres de plus. C'est ça, c'est mieux de le prévoir tout de suite si tu penses rouler avec, là, puis pas te priver. Ouais, ben on gardait ça avec les autos 292 en 14 ans. Tu sais, puis le pick-up en a fait aussi 60 000 km là-dessus. Ouais. Peut-être que ça serait juste. Un bec qu'on a rancé là, à 16 000 km. Ouais. Puis ça, c'est pas pire pour 10 piastres de plus, là. De le prendre tout de suite, ouais. Ouais, c'est ça. On va y aller demain matin, puis on va redescendre après. Fait que demain, vous signez, puis il devrait avoir la voiture dans 2-3 semaines, c'est ça? Ouais, puis lui, il regarde, ils ont beaucoup de concessions, là, tu sais, à Québec, à Côte-Nord, partout. Ouais. Puis aussitôt qu'il en trouve un, il a fait descendre, puis... OK. D'après moi... Si il en trouve pas, il va le faire venir de la compagnie, ça va prendre un mois. OK. Ouais, si on trouve pas, mais gars, Alexandre, eux autres, ils en avaient un là, dans le cours là-bas, comme nous autres. Fait que ça. Même ma fille. Fait qu'ils devraient trouver, ouais. Ah, c'est le fun. Ouais, bon, on est content, là. Oui, hein, ben, c'est fait, puis le taux d'intérêt était bon. Ouais. Ben, c'est ça, pour 2 ans, là, à 0,9%, là. Mm. Tu sais, ben, en tout cas, là, on n'aura pas peur que la climatine ou l'orge à tout bout de champ, là. Ouais, c'est ça. Avec l'auto, ben, peut-être que je vais mettre des freins, mais faire un par mon chum, pas de me mettre des freins de qualité, là. Mais tu sais, à deuxième main, là, pour le vendre à un meilleur prix, parce que là, les freins sont maganés, ils sautent, là. OK, ouais, le petit marqueur est en train de faire du bruit. Ouais, ça fait du bruit, puis tu sais, j'avais mis la première qualité, moi, sur les disques, puis les plaquettes, là. Mm-hmm. Et là, on va mettre une qualité bien ordinaire. Normal, ouais, ouais. Ouais, pour les faire changer. Tu vas le vendre. OK. Ouais. Donc, ouais, je vous ai demandé qu'Emile a commencé l'école aujourd'hui. Ouais, j'y ai écrit tantôt. J'y ai demandé si tu as aujourd'hui que tu as commencé l'école. Il m'a dit oui, parce que j'ai souhaité bon début d'école. Fait que j'ai pas eu plus de nouvelles. Il arrive vendredi. Ah, OK. Fait qu'il est content d'aller au cégep. Il avait hâte de commencer. Ah. Ouais, c'est-tu bien loin de chez vous? C'est l'autre bord du petit pont, là, juste après le Dairy Queen. Ça veut dire que c'est 10 minutes de chez nous. Puis il se parque au, il y a du parking au, au train. Il se parque au train de Sainte-Anne-de-Bellevue, dans, dans le parking de train gratuit. Puis il marche un kilomètre jusqu'à l'école John Abbott. Ah, ben c'est le fun, ça. Ouais. Ouais. Bon, on va te souhaiter une belle soirée. On t'en donnera des nouvelles demain. C'est beau, salut. Salut. Voilà, c'est ça. Désolé pour la qualité du son. J'enregistre mon cellulaire avec mon micro de podcast. Ma voix est évidemment plus claire, mais pour la voix de ceux qui appellent, ben, je dois l'amplifier par la suite. Et on entend un peu là, du bruit de fond. Là. Mais bon, c'est devenu une tradition. Quand j'enregistre le Lobster, si quelqu'un téléphone ou que je téléphone à quelqu'un, ben, il se ramasse dans le Lobster. Cette fois, c'était mes parents qui se magasinent une voiture. Ils ont choisi de louer un Nissan Rogue là, pour 2 ans. Puis ils verront après s'ils l'achètent là, après cette période-là, car ils sont encore un peu indécis. Là. C'est pour ceux qui ont choisi de louer. En ce moment, ils ont un pick-up et une voiture. Donc, le Rogue va venir remplacer là, les deux voitures. Et nous, dans ce Lobster 151.0, tout ça, ça nous mène à quoi? Eh bien, ça nous mène à notre sujet principal de cette semaine. Et oui, c'est maintenant le temps, on en parle. On parle du chalet de Jésus. Je me suis demandé, je sais pas trop pourquoi, c'est durant mes vacances, mais je me suis demandé, durant ces temps libres-là que j'avais, si Jésus avait un chalet au Québec, ça ressemblerait à quoi? Donc, j'y suis allé quand même de façon assez méthodique. Je me suis demandé en premier l'emplacement. Là, je me suis dit, il fallait trouver un havre de paix. C'est quand même Jésus, là. Il faut un beau spot. Premier spot que j'ai trouvé, c'est dans Charlevoix. Il y a le Mont Jésus. Là, il y aurait une vue incroyable sur le fleuve. Ça serait un bon spot pour méditer. Mais j'étais pas sûr. Surtout en plus, une place avec son nom. Je me suis dit non. J'ai continué à chercher. Puis là, j'ai trouvé le lac Saint-Miracle dans les Laurentides. C'est toutes des places qui existent. Mais bon, pour le lac Saint-Miracle, quand j'ai vu qu'il fallait traverser le parc de la Mauricie au complet puis rouler super longtemps sur la 155 avant d'y arriver, je me suis dit, c'est pas mal trop loin pour Jésus, c'est pas un bon spot. Donc, j'ai continué à chercher, puis finalement, je me suis dit que le mieux était de choisir un spot, bon, qui n'existe pas encore, mais bon, moi, j'essaie ça. Je me suis dit, ça me tente que Jésus y ait son chalet au Saguenay, vu que je viens de là. Donc, pourquoi pas avoir un chalet à Lens-Saint-Jean, pas trop loin du nôtre. On pourrait aller chiller ensemble de temps en temps. Donc, je vous l'annonce, oui, en exclusivité, que le chalet de Jésus sera ou serait situé dans la baie des Apôtres à Lens-Saint-Jean. Bon, c'est ça, je vous dis pas exactement c'est où. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tu es situé dans une petite baie isolée. Le chalet se trouve en pleine nature sauvage. Les 12 apôtres, eux, ont des cabanes tout autour de la petite baie aussi, avec Jésus. Donc, ça en fait un endroit idéal pour une retraite, je crois, spirituelle. Bon, maintenant, à quoi pourrait ressembler le chalet? Bon, est-ce qu'on veut pour Jésus un gros chalet de riches pharisiens ou de quoi de plus rustique, là, plus people? Bon, d'après moi, le chalet de Jésus, il faut que ça soit un véritable chef-d'œuvre d'artisanat et il faut que ça soit marqué aussi par l'héritage familial. Bon, car il faut se le rappeler, le père de Jésus, Joseph, il était quand même charpentier. Donc, d'après moi, le chalet de Jésus s'est construit homemade. Si le chalet de Jésus était en vente sur Kijiji, je pense que ça ressemblerait à ceci comme annonce. À vendre, le chalet de Jésus. Un chef-d'œuvre intemporel construit par Joseph de Nazareth. Prix de vente, on accepte les offres sérieuses en prière. Bon, pour la description, découvrez une résidence unique au Québec, nichée au cœur de la baie des Apôtres, ce chalet rustique en bois construit avec amour et précision par Joseph, le charpentier légendaire et son fils Jésus, est bien plus qu'une simple propriété, c'est un sanctuaire où la paix, la tradition et la nature se rencontrent. Caractéristique principale du chalet, eh bien, architecture d'hiverne, chalet en bois massif, chaque poutre taillée à la main par Joseph, des détails sculptés subtilement à l'entrée et sur la balustrade, avec des motifs d'étoiles et de croix qui rappellent les racines spirituelles du lieu. Bien sûr, il y aura un mobilier artisanal. L'ensemble du mobilier, de la table conviviale au lit confortable, eh bien, ça serait fabriqué au maître par Joseph sur place. La grande table centrale, parfaite pour des repas en communauté, pain et vin inclus, bien sûr. Cuisine Miracle Friendly, spacieuse et lumineuse. Cette cuisine est idéale pour les chefs qui aiment les recettes simples, comme par exemple comment multiplier les pains ou transformer l'eau en vin. Ensuite, sous-sol mystique, évidemment, atelier de menuiserie fonctionnel avec outils anciens de Joseph conservés en parfait état. Inclut également une salle de méditation pour les moments de prière ou de ressourcement. Il y aurait bien sûr un jardin biblique. C'est un terrain entouré d'oliviers, de figuiers et vignes toujours en floraison. La pergola construite par Joseph serait l'endroit idéal pour méditer ou partager une coupe de vin. Et finalement, pour l'annonce, on pourrait écrire dans les atouts supplémentaires, vue panoramique sur un lac cristallin où le calme est roi, deck extérieur parfait pour contempler les aurores boréales et les étoiles filantes, avec des légendes locales qui prétendent y voir des signes mystiques. Donc voilà, un petit avis aux intéressés. Les acheteurs sérieux peuvent être éligibles à une bénédiction spéciale lors de la remise des clés. Donc moi, c'est comme ça que je vois le chalet. C'est comme ça qu'on le vendrait, en tout cas sur Kijiji. Bon, maintenant qu'on a le lieu et le chalet, je me suis demandé qu'est-ce que Jésus fait quand il va à son chalet. Parce que Jésus, bon, il faut le dire, c'est pas une personne comme tout le monde, mais il va quand même à son chalet pour se reposer. Mais pour faire quoi? Eh bien, y vas-tu là pour faire des choses ou se reposer? Je me suis dit, il fait probablement les deux, comme tout le monde. Donc, tout dépendant comme Jésus y file quand il est au chalet, il peut avoir le goût d'être tranquille, puis aussi le goût de faire des choses le fun. Donc, voici ce qui m'est venu en tête. Bon, comme activité 1, les feux de camp. Ça, c'est un classique du chalet. Le soir, j'imagine très bien Jésus autour du feu et dans sa soutane blanche. Je ne sais pas s'il mettrait sa soutane blanche autour du feu. C'est quand même assez salissant, là, pis les tisons risquent de la percer. Mais bon, Jésus peut toujours éliminer les tisons comme il a fait disparaître les moustiques à son chalet. Donc, c'est quand même relax autour du feu. Il y a un petit sac de guimauve presque vide à côté de lui. Puis quand les 12 apôtres sont là, eh bien évidemment, il peut multiplier les guimauves au besoin pour ne pas en manquer. Bon, évidemment, c'est le chalet de Jésus. Et qu'est-ce qu'on raconte autour du feu comme histoire avec Jésus? Bien sûr, il y a les potins sur Zachée, mais bon, Jésus, il est, à mon avis, pas trop potin. Il aime plus raconter des histoires, des paraboles qui, bon, avec le temps, deviennent légendaires. Bien sûr, les apôtres, j'imagine, ben en fait, je le sais, là, mais bon, les apôtres lui demandent tout le temps de raconter le festin du Jeudi Saint. Bon, Jésus raconte tout sous forme humoristique quand il raconte comment il a fait les préparatifs là, du dernier repas, où évidemment, on se souvient, là, il a dû faire face à des imprévus culinaires. Mais ça, je me dis, Jésus, il est tanné de le raconter. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Bon, c'est comme une histoire qui a raconté des dizaines de fois puis qui ne veut plus en parler. Moi, je pense plus que Jésus au chalet, il serait plus un funny guy qui aime surprendre les apôtres puis ses invités avec des nouvelles histoires. Donc, j'en ai deux, trois exemples. Bon, une de ces nouvelles histoires qu'il pourrait raconter autour du feu, ça serait, par exemple, le voyage de l'âne enchanté. Ça, c'est une histoire amusante d'un âne qui avait été choisi pour porter Jésus lors de son entrée à Jérusalem. Puis l'âne était en fait un animal magique qui était capable de parler puis de raconter ses propres aventures et ses réflexions sur les événements là, historiques qu'il a vécu. Donc, parfois, Jésus, autour du feu, il raconte ça en prenant la voix d'un âne puis en faisant « hi-ah, hi-ah ». Bon, ce qui, évidemment, fait bien rire les apôtres. Puis, il termine toujours ça avec une morale du style « Parfois, les plus humbles parmi nous Même les arbres ont des histoires incroyables à partager. Donc, ça, c'est le genre d'histoire que je pense qu'on peut entendre autour du feu. Un autre exemple, ça serait la caverne des miracles ou la grotte mystérieuse. Bon, déjà là, juste en entendant le titre, je suis sûr que comme moi, vous êtes accrochés. Jésus pourrait changer le nom de l'histoire une fois de temps en temps pour réattiser son auditoire. Bon, évidemment, ça parle de quoi là-dedans? Bon, c'est une légende de caverne secrète où Jésus raconte qu'il aimait à s'y réfugier. À l'intérieur de sa caverne, il peut dire qu'il y avait des pierres spéciales qui avaient la capacité de réaliser des miracles selon les besoins et les souhaits des visiteurs. Bon, l'histoire révèle aussi comment chaque pierre a aidé les gens en fonction de leur foi et de leur désir de changer le monde autour d'eux. Puis à chaque fois qu'il raconte, il peut raconter ce que les gens sont venus demander aux pierres miraculeuses. Moi, je pense que ce qui est le fun, c'est que, bon, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable maintenant de faire une reconstitution de tout ça. On écoute ce que Jésus a raconté au chalet dernièrement, autour du feu, lors d'un party. Je pense que c'est le 15 août dernier. Donc, on écoute. Voici une histoire que Jésus a racontée autour du feu. Savez-vous qui est venu à la caverne des miracles dernièrement? Je vous raconte. C'est un certain Augustin. Augustin, dans sa lenteur habituelle, avait marché à ma caverne avec une grande détermination. Son vœu était simple, mais il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait vraiment demander. Lorsqu'il arriva devant la pierre centrale de la caverne, il s'avança et déclara d'une voix hésitantée. « Aux pierres merveilleuses, je viens demander un miracle. Pour, disons, être plus rapide. Mais aussi, je voudrais, je ne sais pas trop, peut-être un peu de sagesse. » Ma pierre miraculeuse, amusée par la demande vague d'Augustin, décida de lui offrir quelque chose d'unique. Elle lui fit apparaître une grande boîte en bois. À l'intérieur, Augustin trouva une paire de sandales enchantées qui étaient un peu magiques, mais pas tout à fait comme il l'aurait imaginé. Ces sandales avaient la particularité d'être extrêmement confortables et élégantes. Mais elles étaient aussi dotées d'une fonction surprenante. Chaque fois qu'Augustin essayait de se dépêcher, les sandales l'amenaient à marcher encore plus lentement, mais avec une démarche parfaitement gracieuse. Les gens qui le voyaient se déplaçant ainsi pensaient qu'il était en train de méditer ou de réfléchir profondément, ce qui le rendait un peu plus sage aux yeux des autres, bien que ses pas soient toujours lents. Augustin, d'abord déconcerté par les sandales, réalisa bientôt que le miracle qu'il avait reçu était plus subtil qu'il ne l'avait imaginé. Ses nouvelles chaussures l'obligeaient à ralentir, ce qui lui donna plus de temps pour réfléchir et observer le monde autour de lui. Il découvrit donc qu'en prenant le temps d'apprécier les petits détails de la vie, il acquérait une forme de sagesse que la vitesse ne pouvait pas offrir. Donc, voilà, ça vous donne une bonne idée de ce que Jésus raconte autour du feu. Autre activité au chalet, eh bien, il y a la randonnée, évidemment, des Béatitudes. C'est une belle randonnée qui est guidée par Jésus lui-même à travers des sentiers paisibles autour du chalet. On fait bien sûr des pauses où il partage des messages là, inspirants, un peu comme un cours de philosophie là, en pleine nature. Jésus, bon, l'avantage qu'on a avec lui, c'est qu'il connaît tout. Donc, je me dis que ça peut être aussi une randonnée éducative, là. Par exemple, si Augustin est de la randonnée, ben Jésus lui identifie les choses de la nature là, pour l'aider. Par exemple, Augustin, voici Biquette la chèvre, voici Groom le peuplier, voici Babar l'éléphant. Bon, quand il se fait présenter à Babar l'éléphant, là, Augustin rit en lui serrant la trompe. C'est sûr que nous, on se demanderait plus qu'est-ce que ça fait là, un éléphant dans la forêt laurentienne. Mais bon, lui, Augustin, il s'en fout. Lui, c'est juste de serrer la trompe de l'éléphant là, qu'il fait. Une autre chose qui est bien populaire au chalet de Jésus, évidemment, tournoi de pétanque des apôtres. Bon, c'est un tournoi de pétanque amical où Jésus et les apôtres s'affrontent. Moi, j'imagine bien Jésus, là, super compétitif, qui n'hésite pas à tricher. En plus, bon, je dis Jésus depuis le début, là, mais au chalet, Jésus se fait appeler par son surnom, JJ. Ça fait plus relax. Là, quand il chante autour du feu, là, ça sonne bien, là, JJ. Parlant de chansons, bon, On va l'avoir en primeur, oui. Ben en fait, je vous parle depuis le début là, d'un hypothétique chalet de Jésus, mais bon, je sais pas pourquoi je fais semblant, là. Moi, je suis catholique, baptisé, confirmé, puis j'ai joué en plus de l'orgue dernièrement dans une église. Donc, mes chances d'être invité dans un hypothétique chalet de Jésus, vous pensez pas qu'elle serait bonne si ça existait pour vrai? Eh bien oui. Bon, pourquoi le cacher? C'est sûr que DJ, il veut pas qu'on en parle trop, là, mais oui, ce chalet existe. Bon, puis je suis allé dernièrement. En fait, j'y vais pas mal à chaque fois que je descends à notre chalet familial, là, vu que c'est dans le même coin. Puis la dernière fois que je suis allé, DJ, bon, il était vraiment de bonne humeur. Puis parle, jase, là, en après-midi, ben, il me dit, reviens pour le soir, pour le feu du soir. Lui, bon, il devait aller faire ses commissions au village, puis il me dit de repasser en soirée. Puis en soirée, quand même, on était plusieurs, là, il y avait Thomas, qui était quand même surpris de me voir. Il y avait Pierre-Jean-Jacques qui était là, mais d'autres amis aussi, là, de Gigi. Puis, mais bon, celle que j'étais content de voir, c'est Sœur Angèle, elle est tellement fine. Bon, elle avait préparé en plus du sucre à crème pour tout le monde, qui était délicieux. Je lui ai demandé sa recette pour vous la donner dans le podcast, mais elle me dit non. Bon, elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu donner sa recette pour le podcast. En fait, elle ne comprenait pas c'était quoi un podcast. Elle pensait que c'était pour mettre dans un livre de recettes qui s'appelait le podcast. Bon, bref, j'ai pas eu la recette, mais moi, bon, elle m'en a donné pour que j'en ramène chez nous. Puis ce soir-là, vers 20h30, on a débuté le feu au chalet de Jésus. Bon, Gigi, il fait ses feux assez de bonne heure, bon, parce que c'est pas un couche-tard, parce qu'il se lève de bonne heure, parce qu'il est toujours le premier à se lever au chalet pour transformer l'eau en café, là. Bref, dès que le soleil a été couché puis que le feu est allumé, bon, lui, il a sorti son attirail de musique. Évidemment, Gigi, il est bien équipé, là, puis le son, il est divin, là, au chalet. Il a commencé avec de quoi de très power metal pour starter la soirée. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais bon, Sœur Angèle a comme voulu joindre à nous dans le mosh pit à un moment donné, puis les apôtres y allaient un peu fort. Bref, elle s'est blessée à une hanche. C'est sûr que Gigi l'a guéri tout de suite après avoir terminé sa chanson, mais après, bon, il lui a demandé quand même d'y aller mollo, là, puis il a réprimandé un peu Judas, là. C'est lui qui avait frappé un peu fort sur Sœur Angèle. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Je sais pas. En fait, parce que dans le fond, j'ai tout enregistré. Ça serait bien plus le fun d'écouter la chanson que JJ a jouée. Donc, on écoute sa chanson. Ami précieux, c'est une ballade power metal qui a été jouée par Jésus de Nazareth. On l'écoute. Avec mes amis précieux, sachez grave aux arbres pour voir la vérité. 12 apôtres dans leur chalet se préparent à festoyer. Dans ce chalet, la lumière éclaire nos cœurs. Je suis GG apportant chaleur et ardeur. Les apôtres rient, sachez tout sourire. Sous les étoiles, la paix est à venir. Les apôtres rassemblés autour de leur feu, chantent et prient, partageant des moments heureux. Sachez se réjouir, ces rêves sont enfin clairs dans nos chalets voisins. L'amour et l'air qu'on respire. Dans ces chalets, la lumière éclaire nos cœurs. Je suis Gigi, apportant chaleur et ardeur. Les apôtres rient, sachez tout sourire. Sous les étoiles, la paix est à venir. Les apôtres autour de leur feu, chantez et prient, partageant des moments heureux. Sachez se réjouir, ces rêves sont enfin clairs dans nos chalets voisins. L'amour et l'air qu'on respire. Dans ce chalet, la lumière éclaire nos cœurs. Je suis Gigi, apportant chaleur et ardeur. Les apôtres rient, sachez tout sourire. Sous les étoiles, la paix est à venir. Ensemble dans la nuit, avec foi et chaleur, les étoiles nous guident, illuminant notre labeur. Dans ce chalet, les alentours, la sérénité brille. Avec Sachi et les apôtres, nos cœurs sont tranquilles. Après cette chanson-là, JJ, il a pris les demandes spéciales. Moi, j'adore la musique électronique, donc je lui ai demandé de nous faire un peu d'EDM. Voici une des bonnes là, qu'il nous a jouées. Il nous en a joué plusieurs, mais bon, voici une que moi j'ai retenue. Dans ce chalet tranquille, loin des grands chemins, je partage avec vous mes... la chaleur du feu, les étoiles au plafond. Je suis Gégé, le guide sur ce chemin profond. Sous les étoiles, dans ce chalet, écoutez mon flow. Je prêche l'amour, la paix et la sagesse pure. Mais Augustin avec ses bêtises, c'est notre aventure. Où il trébuche, il rigole, parfois il fait le clown. Mais dans ce chalet, il est notre joyau sous la lune. Sagesse pure. Mais Augustin, avec ses bêtises, c'est notre aventure. Il trébuche, il rigole, parfois il fait le clou. Mais dans ce chalet, il est notre joyau sous la lune. Sous les étoiles, dans ce chalet, écoutez mon flow. Tempête passe, mais la lumière reste. Ensemble, on trouve la paix. On surmonte les gestes. Oh, Augustin, ou non, on est tous en chemin dans ce chalet. La chaleur et l'amour sont notre terre. Dans ce chalet, écoutez mon flow. Rassemblons-nous autour du feu, la soirée est douce. Augustin, Gégé, rassemblons tes gestes. Augustin, où l'on est tous en chemin. Dans ce chalet, la chaleur et l'amour sont notre destin. C'est fou comme il y a du talent. Bon, juste avant de partir, quand moi je voulais pas rester à coucher au chalet, à son chalet, Jésus il est bien inviteux, là, mais je vous étudie pourquoi je restais jamais à coucher au chalet de Jésus. Je pense que je ne l'ai pas mentionné. Parce que quand même, Gigi, c'est un comique. Là. Pour, ben, il invite les gens, mais pour éviter que les gens s'incrustent quand même à son chalet, là, car lui vient là pour se reposer, là. Eh bien, tous ceux qui restent à coucher, ben, ils ont la chance de recevoir le messager céleste. Et oui, on peut tous tomber enceinte là, si on dort au chalet de Jésus. Peu importe, là, homme ou femme, si tu dors là, tu as une chance de tomber enceinte. Puis c'est le gros kit, là. Si je vous dis que Maman Dionne, là, dans les années 30, avait dormi là deux soirs, eh bien oui, oui, c'est ça. Elle a eu des quintuplés, là. Bon, c'est que ça donne des belles surprises. Ben moi, ça ne m'intéresse pas, donc je ne prends pas de chance. Je retourne dormir à mon propre chalet. Donc, juste avant de partir, j'ai quand même enregistré un rap là, que Jésus nous a fait. C'est un de ses classiques, je pense que vous allez aimer. On le connaît pas mal. Tous ceux qui vont au chalet de Jésus le connaissent maintenant par cœur. Là. Il le fait quasiment à chaque feu. Puis en plus, ah oui, ce soir-là, Marie-Madeleine était là, donc mon enregistrement inclut là, la copine de Jésus qui chante aussi. Ils ont chanté ensemble. Donc, on écoute ça, c'est un classique, c'est le rap de Jésus. Yeah. Hey. Je viens en paix avec des mots pleins de clarté. Des prières anciennes résonnantes pour l'éternité. Notre Père qui es aux cieux, ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne et ta volonté soit accomplie. Notre Père, guide-nous sur ce chemin. Lumière et amour, dans la nuit nous tenons la main. Je vous salue, ma vie pleine de grâce et de force. Que la paix soit sur nous, que notre foi soit une écorce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, ton amour jamais ne passe. Prie pour nous pécheurs, dans cette vie de tous les jours. Que ta miséricorde nous guide, nous montre le chemin du jour. Notre Père guide-nous sur ce chemin. Lumière et amour, dans la nuit nous tenons l'amour, dans la nuit nous tenons la main. Nous tenons la main. Je vous salue Marie, pleine de grâce et de force. Que la paix soit sur nous, que notre foi soit une écorce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi, ton amour jamais ne passe. Prie pour nous pécheurs, dans cette vie de tous les jours. Que ta miséricorde nous guide, nous montre le chemin du jour. Notre Père guide-nous sur ce chemin. Lumière et amour, dans la nuit nous tenons l'amour, dans la nuit nous tenons la main. Nous tenons la main. Je vous salue Marie, pleine de grâce et de force. Que la paix soit sur nous, que notre foi soit une écorce. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons aux humains. Que la paix descende sur nous et que la lumière éclaire chaque cœur, chaque esprit dans cette prière. Notre Père, guide-nous sur ce chemin. Lumière et amour, dans la lumière nuit. Lumière et amour, dans la nuit nous tenons la main. Nous tenons la main. Je vous salue, ma vie pleine de grâce. Que la paix soit sur nous, que notre foi soit une écorce. À toi Seigneur, toute gloire et toute louange. Dans ce rap spirituel, nos âmes se mélangent. Que chaque parole, chaque rime soit une prière vivante. Nous marchons ensemble dans une foi éclatante. Bon, c'est ça pour les chansons autour du feu. Parfois, on fait aussi des karaokés, c'est encore mieux, mais bon, j'ai pas pu les enregistrer. Judas, il me stoulait que j'enregistrais toutes, là. Puis JJ m'a demandé là, de plus enregistrer les karaokés là, qu'on fait. Judas a dit à Jésus qu'il veut pas être enregistré. Judas, il est bien correct, mais bon, c'est pas mon préféré, il fait toujours du trouble. Bon, quoi d'autre au chalet de Jésus? C'est sûr qu'on pêche, mais ça, c'est pas aussi le fun que vous pensez, car peu importe où on va, ben Jésus fait des pêches miraculeuses, là, comme vous vous en doutez. À tel point que l'autre jour, juste après une grosse pluie, ben on a pêché là, pour rire dans une calvette remplie d'eau, et ben on a tout pris notre quota de truite mouchetée, même s'il n'y a aucune truite là, qui peut habiter là. Donc, la pêche avec Jésus, c'est non, il n'y a pas de challenge. Là. Moi, j'aime mieux aller pêcher tout seul. Mais sinon, pour les, vous savez là, que moi j'aime les activités un petit peu plus artistiques. Puis parfois, ben quand Joseph est là, il nous montre des trucs. Là. Le Père de Jésus, il anime parfois un atelier où les participants là, ils apprennent à fabriquer des petits objets en bois. C'est sûr que la majorité des choses, c'est un peu moins intéressant pour la majorité des gens. Là. On fait des petites crèches, des petites croix en bois là, ou des crucifix. Là. Mais l'autre jour, quand même, là, il nous a montré comment faire un bénitier en bois. Ça, c'était le fun à faire quand même. Donc, c'est pas mal ça pour les activités un petit peu spéciales qu'on fait au chalet de Jésus. Bon, c'est sûr que Jésus, dans ses temps libres, c'est une personne comme toutes les autres. Des fois, il écoute simplement des films pour se détendre. Si vous me demandez c'est quoi le film préféré de Jésus, ah, ça, oui, je peux vous répondre. C'est celui-ci. On écoute un extrait. Essayez de deviner c'est quoi. Lana! Lana! Lana? Atuk, Lana. Lana, Bobo, Lana. Lana. Lana. Atuk. Lana, Alunda, Atuk. Lana. Tanda Lana? Lar. Lar. La. Nya. La. Nya. La. Look. Atuk. Lar. Atuk. Kuda. Haraka. Haraka. Atuk. Lar. Haraka. Haraka. Atuk. Atuk. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont trouvé le nom de ce film. Si oui, puis si vous voulez gagner là, une visite au chalet de Jésus, juste me l'écrire en privé, puis je ferai un tirage parmi ceux qui ont participé. C'est sûr, il faut être baptisé, malgré que ce n'est pas bien grave. Là, je me considère quasiment comme un apôtre de Jésus maintenant. Donc au pire, je vous baptiserai dans la rivière en face de notre chalet là, avant qu'on y aille faire un tour. Au chalet de Jésus, est-ce que j'ai terminé? Je pense que oui. Une petite anecdote avant de clore le dossier. Là, ça fait quelques fois que je demande à Gigi là, s'il ne peut pas faire de quoi pour ma perte de cheveux. Chaque fois, il me sort de quoi du genre « Je peux multiplier les pains et les poissons, mais je laisse la coupe de cheveux aux experts. » Je sais pas s'il me niaise avec ça, mais bon. Là-dessus, je pense que ça sonne la fin de ce premier Lobster de la saison 4. Donc, on se revoit bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to live my life as it should be. He taught me how to turn my cheek when people laugh at me. I've had friends before, and I can tell you that he's one who will never leave you flat. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He taught me how to pray and how to save my soul. He taught me how to praise my God and still play rock and roll. The music may sound different, but the message is the same. It's just an instrument to praise his name. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. Jesus is a friend of mine. But Jesus came and found me, and he touched me down inside. He is like a mountie, he always gets his man, and he'll zap you any way he can. Zap. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. He loves me when I'm right. He loves me when I'm wrong. He loves me when I waste my time by writing silly songs. He loves me when I'm quiet and I have nothing to say. He'll love me when I'm perfect if I ever get that way. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine.